Exercice 10, page 109. A. Tu manges un croissant? Transformer. Oui, j'en mange un. B. Tu bois un café? Transformer. Oui, j'en bois un. C. Tu manges une salade? Transformer. Oui, j'en mange une. D. Tu bois une tisane? Transformer. Oui, j'en bois une.